Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence sur Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Blacko. C'est Planet Rap Blacko sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue Blacko. Et nous voilà. De retour pour la troisième soirée, le troisième voilà. Planet Rap avant la sortie, c'est le 6 novembre la semaine prochaine. Voilà, pas oublier le 6 novembre, Dualité. Ça arrive, avec en plus, si vous le précommandez maintenant, des morceaux tout de suite. Voilà. Il y en a 4. Qu'il faut aller chercher. Le temps est compté, accroché à mes rêves, si je me trompe pas, équilibre et que Dieu me pardonne. Et que Dieu me pardonne voilà. aussi. Donc c'est les 4 morceaux, si vous précommandez l'album, vous les avez déjà. Donc voilà, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez-y, allez cliquer, et Rise est là aussi. Ouais. Rise. Allez, s'il vous plaît, allez prendre cet album. C'est pas très loin, c'est juste sur l'iPhone. C'est pas loin. Ou ailleurs, hein, si jamais on veut aussi à un moment. Ouais, c'était sur ton ordi. Sur l'ordi. On y va, on clique. Et pour débuter, tiens, Planet Rap, on va remettre le medley qu'on a eu. Ah ouais, lundi. Avec plaisir, il était cool. Hein. En plus, on va comme ça pouvoir se replonger dans l'album. Ok. Écouter des petits bouts, des extraits de ce qui nous attend le 6 novembre. Voilà, un petit avant-goût. Et puis ceux qui n'étaient pas là lundi, c'est séance de rattrapage ce soir, c'est parti. Voilà. C'est parti. Continuerai de chanter sur Skyrock. Fais l'amour, me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Il où j'aime me réfugier. Yeah, c'est l'homme que l'on appelle Blacko sur Skyrock. Même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. Accroché à mes rêves sur Skyrock. La rue, c'est pas ma mère. Aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, quand je repense à tout ce que j'ai fait. Planète Rap, Planète Rap. Parfois je m'isole. Tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème. Ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Planet Rap. Mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ses pour se faire la guerre. Moi je cultive le love. Que Dieu me pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon. J'ai souvent cédé à mes envies. Planet Rap. Planet Rap. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le Dieu. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Planet Rap. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je me promets avant le décollage final. Planet Rap. Voilà, un bang, petit aperçu bang, de bang. Ce qui vous attend le 6 novembre. Ouais, j'aime bien ce petit mix, il me plaît beaucoup. Il te plaît beaucoup. Ouais. Bah, on pourra le remettre aussi, hein, jusqu'à vendredi, on pourra aussi le remettre. All right. Et dans une semaine à peu près maintenant, la sortie le 6 novembre voilà, de cet Dualité, album. Dualité, ça arrive. Dualité, un voilà, album. Un nouvel oiseau qui va prendre son envol, après on verra si, quoi, s'il se prend une balle en plein air. Qui l'eût cru. S'il s'envole loin. Qui l'eût cru, un nouvel album. Voilà, Dualité. Qui l'eût cru. On le laisse, on le laisse envoler. L'aventure continue, ce soir on va mettre beaucoup d'extraits de l'album d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. On va se plonger un petit peu dans continue à le survoler en parlant d'oiseaux, justement. On va survoler cet album. On va le découvrir avant que tu partes aussi en tournée. Je rappelle quelques dates pour aller voir Blacko le jour de sortie de l'album T'es la cigale à Paris. Voilà, le 6 novembre, jour de la sortie même. Le 13, ce sera au Havre, le 20 novembre à Beauvais, le 21 à Nancy, le 28 à Oigny, le 3 décembre à Lyon, et puis plein d'autres dates aussi. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux pour retrouver Blacko officiel partout, partout. Près de chez vous. Exactement. Bon, 20h pile d'ici. Bah tiens, il y aura aussi D-Foot tout à l'heure. Et le coup d'envoi du match PSG. Et ouais. Real. Tcha. J'ai l'impression qu'Aira, il est un peu plus à fond que toi. Il aimerait bien quitter la chaise et partir voir ça. Qu'est-ce qui se passe? La guerre là ce soir. Raiser, petit pronostic ou pas petit pronostic? Franchement. J'ai pas envie de mentir non plus, mais. Je sais pas, peut-être si on peut prendre un match nul. Tu vois? Ah ouais, t'es même pas ambitieux toi. Non, moi je vois 2-2. Il faut viser la finale là maintenant de Champions League. Hein. Ouais, mais. Donc tu ça vois, veut dire que Real, il faut le taper un moment. C'est dur. S'il tombe sur toi. Ouais. Non, là, mais il y a un Real qui est un peu amoindri, il faut en profiter quoi. Ouais, moi je dis 2-2. Si on a un bon 2-2, on est très bien dans notre vie. On rentre chez nous. Et... Ouais, enfin bon. On fera mieux quand même. Non, pas très ambitieux, Raison. Je te jure. Allez, 2-1 pour Paris. Bah, ouais. On va peut-être continuer. Tu sais qu'on connaît du Paris, mais comment il fait dire ça? Un petit dernier effort. Tu vas faire des ennemis, t'es obligé. Là. Ouais, Blacko, toi, t'es sport, t'es foot ou pas? Moi, j'aimais bien le basket quand j'étais un peu plus jeune. Le foot, j'en ai fait aussi. C'est mais quoi, c'est... Pourquoi tu te moques? On n'est pas les plus grandes d'équipe, tu vois. Justement, c'est pour ça que j'aimais bien le basket. C'est vrai. Je mettais des contre-kems, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, beaucoup de contre-kems au basket. Le foot, ouais, j'en ai fait, mais je suis pas à fond dedans tant que ça. Je regarde des gros matchs comme ce soir, je vais peut-être regarder. Et voilà, mais pas de pronostic, pas de que ce soit l'un ou l'autre qui gagne en vrai. Ça change rien. C'est la même soirée. Ça changera rien pour toi après. Voilà. Bon, c'est cool. On va découvrir donc cet album Dualité, l'album de Blacko sur Skyrock entre 20 et 21. On va mettre le morceau Équilibre. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti à 20h pile. Sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Et personne n'est parfait. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans le regret. Je ne suis pas un ange. Non, je ne suis pas un démon. Seul Dieu est mes véritables proches. Savent si mon cœur est bon. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je me prends vite avant le décollage final. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur. À moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je veux rester solide, je dois continuer à aimer. Garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. Prends ce que tu te donnes, donne, sans attendre qu'on te donne, donne le meilleur de ta personne. Moi et celui qui pardonne. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme avant que ta dernière heure sonne. Libère ta conscience. Fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde tout a un sens, c'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre, et si Dieu veut, je l'obtiendrai. Mon âme danse sur un fil, et si Dieu veut, je tiendrai. Je garde les pieds sur terre, mais mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière, je pars, oui, je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader au cœur de l'infini. Sur lequel lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Le 6 novembre, dualité. Ah mais ouais. Yeah. Oh. Le morceau s'appelle Équilibre. C'est ça. Vous le retrouvez sur l'album Dualité de Black avec Monsieur Leroy à Rizé à la prod. Ouais. Yeah, yeah, yeah. C'est plein nom ce son. Merci. Voilà. C'est là, t'es bien quand tu l'écoutes. Voilà. Détendu, tu à la chair, à la recherche de la zénitude, toujours. Exactement. Toujours. Est-ce qu'aujourd'hui tu es... D'ailleurs, aujourd'hui, je t'ai pas posé la question. Plutôt noir, plutôt blanc, plutôt gris, plutôt. Aujourd'hui, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt noir un peu. Oh là. C'est à cause du temps. Tu vois. Ah non, mais toi, ça joue aussi beaucoup. Ouais, surtout, ouais. Ah ouais, mais moi, c'est. Je suis un homme. Tu vois mes cheveux là. Je suis une espèce d'homme arbre. Donc là, on rentre dans la quand période. Quand il y a l'hiver, même, là, je perds mon feuillage, tout ça, ça. Mais on rentre quand même dans la période un peu qui va être complexe pour ouais, toi. Ouais, c'est alors. Dur. Mais bon, j'essaie de faire des petits sauts dans le soleil, tu vois, pour et bah, se régénérer. Sauts dans le soleil, et puis la tournée aussi, ça va t'apporter du soleil, ouais, ça, justement, ouais. Et surtout la vibe avec les gens, c'est ouais. Ça. Quand j'ai pas d'autre soleil, c'est salle de concert et les applaudissements des gens, c'est ça, ça, c'est un autre soleil, ça encore. Bon, donc ce soir, un petit peu sombre. Un petit peu, mais on va éclaircir ça. Ouais, on va présenter un peu l'album. Voilà. L'album va éclaircir ça. On va continuer à le découvrir. Ouais, cet album qui sort le 6 novembre, ouais. L'album de Blacko. Je rappelle aussi qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre à n'importe quel moment. Exactement. Le 06 71 74 84 15, c'est la ligne directe pour joindre Blacko. C'est le portable de Blacko, ouais, cette semaine. Je teste un petit. Tu veux, tu veux. 06 71 74 84 15. 06 71 74 84 15 pour joindre Blacko, pour lui poser des questions, pour lui donner juste même de la force. Bah attends, j'ai quelqu'un, tiens. Bah vas-y. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Blacko. Ouais, cool. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Non, t'as des cils. C'est quoi? Je sais pas, je comprends. Répète, on n'a pas compris. Enlève le haut-parleur, dis-le. Ah non, et puis peut-être. Alexis, c'est Alexis. Ah, salut Alexis. Ah, tu disais depuis tout à l'heure, je m'appelle Alexis. Ça va, cool, en forme? Ouais, bah super, on est là doucement. Hein. Ouais, j'avais une question. Allez, c'est parti. Tu sors quand ton prochain album? Ah. Le 6 novembre. Ah. Le 6 novembre. Ça veut dire qu'on ne l'a pas assez dit. Ah, bah je vais l'acheter alors. Voilà. Ah, bah c'est cool, ça fait plaisir ça. Et tu peux même le précommander maintenant, Alexis. Hein. Tu voilà. Peux y aller, t'as des morceaux tout de suite. On peut le précommander sur iTunes. Ah, bah ça marche, je vais le faire. Eh ben ça fait très très très plaisir, c'est cool. Allez, une vente. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est pas mon début. C'est ça en fait. Et bon, on te souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, merci Blacko. Yes, ciao, big up, Alexis. Ciao, ciao. Alexis avec ciao, nous. Ciao. Si vous aussi voulez joindre Blacko, voilà, et nous dire que vous allez acheter l'album, n'hésitez pas. Non, au début, ouais, c'était dur à comprendre. 06 71 74 84 15. Avec le hashtag aussi Blacko sur Skyrock. Allez, on met un morceau maintenant. C'est un morceau extrait de l'album, c'est quoi? Le mur du silence? C'était quoi qu'on voulait non. mettre? C'était ça? Non, c'était Je m'isole peut-être? Ouais, ah, c'est Je m'isole. Donc un petit mot sur Charisma à la prod qui est planqué par là-bas avec sa casquette là. Viens discutailler un petit peu. Ah bah, tu lâches ton portable aussi, tu es en train d'emporter le mur avec. Ouais. Ça va? Ouais, un casque. Ouais. Bon alors, Erais, peut-être que tu peux nous présenter oui, aussi. Bah, Charisma, c'est un putain d'artiste qui travaille avec Quantis Records, mon label. Mm-hmm. Et voilà, il fait des sons, il a fait énormément de sons pour pas mal d'artistes. Quand quelqu'un que t'as repéré où alors, Charisma? Par le biais d'un ami de la famille, Arvin et Alex, des amis à moi, qui m'ont dit ouais, il y a un petit dans ma classe, il est trop fort, ils m'ont emmené une petite clé USB, tu vois. C'était à 2 ans. Ouais, j'ai écouté. Même j'ai plus vu, un peu. 3 ans, ouais, même. 4 ans, même. Ah, tu as arrêté l'école, déjà. C'est ce que tu es en train d'essayer de dire, non, peut-être. Non, même pas. Non, même pas, je suis toujours en 3ème. Non, mais lui, dis pas ça, parce que déjà, ses parents, ils disent comment ça, la musique ou les études? Ah oui, merde. Mais bon, il a signé 2-3 hits, donc bon. Ouais, depuis le temps, quand même, 3-4 ans. Voilà. Tu as parlé que la musique, c'est un côté autodidacte. J'ai commencé vraiment au hasard. J'ai téléchargé le logiciel Fruity Loops. Je pense que les gens qui font un peu de son, ils connaissent tout de suite. Voilà. Et ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à faire du son. J'ai appris les trucs vraiment tout seul et tout. Et donc après, grâce à Rizé, j'ai placé mes premiers titres et tout. Et donc voilà, tout simplement. Donc là, je continue le travail. Je suis avec Blacko. Moi, je me prends pas la tête. Ouais, il se met pas trop non plus en avant, tu vois, il est concentré sur son travail, tu vois. Mmh. Et nous on essaie de gérer le business derrière pour que il puisse vivre de ça en fait. Donc c'est un morceau là qu'on va écouter, c'est toi. Voilà, c'est lui qui a composé ça. Et t'as apparu combien de fois d'ailleurs sur l'album? Il y a combien? Une prod? Deux prods. Il y a deux prods. C'est lui qui avait fait déjà. Et Dépasser les limites. J'étais déjà sur l'EP. Charisma lourd. Et ben on écoute ce morceau. Allez, c'est parti, c'est extrait de l'album de Blacko qui sort le 6 novembre. Allez, un peu de vibe. Wow! Le 6 novembre, dualité! Yeah, yeah, yeah! Je reste debout, je reste solide, je ne faiblis pas. Même si parfois c'est difficile. J'ai comme l'impression que les jours se répètent. En ce moment, je n'ai qu'une idée en tête. Partir, quitter le périmètre. Oublier mes soucis, les laisser à des kilomètres. J'ai besoin d'air, le béton m'asphyxie. J'ai besoin de respirer. Hey. Dans ma tête, c'est la tempête, le ciel est gris. Mon esprit peut voyager. J'ai besoin de prendre du recul, de voir autre chose, lui sortir de ma bulle. Changer d'horizon, juste histoire de relâcher la pression. Parfois, je m'isole. Quand les soucis t'empêchent de dormir, quand tu ne trouves plus l'issue pour t'en sortir, quand vient le besoin d'évasion, l'envie de prendre une pause, mettre au vert la réflexion, partir pour voir autre chose, mettre les voiles et prendre le large. Je veux distancer ma colère, laisser sur le quai ma rage. Je reste solide, je ne faiblis pas. Même si parfois c'est difficile. Parfois la pression fait si mal à la tête. Et on s'interdit de pleurer. Quand l'optimisme se jette par la fenêtre. Et que tout finit par écœurer. Quand vient le besoin d'oublier ce qui fait mal. Quand vient le moment de s'en aller. Pour redécouvrir l'essentiel, le principal. Quand vient le temps de se ressourcer. J'ai besoin de prendre du recul. Oui, voir autre chose, sortir de ma bulle. Changer d'horizon, juste histoire de relâcher la pression. Parfois je m'isole, je pars, je m'évade. Pour que mes pensées s'envolent. Le 6 novembre. Pour oublier ce qui me fait mal. Ah ouais. Mettre de côté ma paix. Dualité. Retrouver. Et voilà. à l'instant donc ce morceau qui s'appelle Je m'isole, c'est extrait ça. De l'album Dualité de Blacko. Un morceau d'ailleurs, c'est marrant parce que je vois les messages aussi, c'est vrai que c'est des morceaux universels tous, même si des moments de ta vie. Ouais, mais voilà. Et moi j'essaie, comme je te disais, que ma musique elle parle aux gens, tu vois, qu'elle me parle à moi-même déjà. Quand j'ai mes coups de blues ou mes coups de trucs, je m'écoute moi-même. Et je me dis, bon, t'as dit ça, t'as chanté ça aux gens, et là. Faut que tu te relèves, faut que tu. Tu vois, c'est. J'aime quand Qu'est-ce qui était le plus dur d'ailleurs sur ces années écoulées, Blacko, pour toi, c'est les moments où, peut-être à un moment, tu t'es dit, je vais peut-être arrêter la musique, tout ça. Ah ouais, tout ça, mais ça, c'est passé mille fois par ma tête quand c'était que Tribunal Party, tout. Enfin, ouais, parce qu'on va pas tout rappeler l'histoire, mais à un moment, t'étais en conflit avec ton producteur. Ouais, c'est fait du Tribunal pendant. Et on est encore dedans pour te dire, mais bon, c'est un peu mieux aujourd'hui, c'est plus cool. À une époque, t'étais vraiment bloqué, tu pouvais pas sortir d'album, t'en avais sorti gratuit d'ailleurs. Je continue à bosser ma musique et tout quand même, parce que je suis passionné par ça, j'aime ça. Et ça, donc à ce moment-là, c'était quoi? C'était vraiment une sale période à vivre, un truc. Ouais, après, c'est. Les épreuves, ça fait partie de la vie. Je prenais ça avec le sourire quand même. Je me dis, il y a toujours pire ailleurs. Tu vois, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras. C'était juste ma carrière qui avait pris un coup de marteau sur la tronche, mais. Si mais tu disais quoi à ce moment? Tu disais quoi qu'il arrive, je continuerai à chanter? Ouais. Peut-être pas professionnellement. Mm-hmm. Tu vois, ça aurait été plus par passion chez moi, un morceau par-ci, par-là sur YouTube. Et après trouver un job et jobber pour mes enfants, tu vois, pour les faire manger, comme mes parents l'ont fait, tu vois, la logique de tous les jours, de tout le monde, voilà, c'est ça. Et puis là, l'aventure continue. Bah, on a réussi, à se remettre sur les pattes et sur les ailes, et on a redécollé un petit peu. Pour l'instant, le vol se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a pas de perte. Mais c'est pas un truc, c'est pas un truc qui t'angoisse particulièrement, même si ça devait s'arrêter du jour au lendemain. Non, parce que en fait, quand j'ai quitté Sniper en 2007, c'était un espèce d'arrêt volontaire que j'avais fait. Et c'était mon papa qui m'avait dit arrête, tu verras si ta vie elle est pareille niveau amis, tes fréquentations, tout. Et quand j'ai arrêté, j'ai vu en vrai que Blacko il a sa vie, mais Karl il a sa vie, une autre vie que pas beaucoup de personnes calculent, quoi. Et donc je suis prêt à ça, je connais ce que c'est, que ça fonctionne ou pas. Et j'ai plus ma jeunesse aussi, là je sais que je vis pour mes petites filles, donc si c'est pas la musique, je ferai autre chose ou encore autre chose pour subvenir à leurs besoins, quoi, c'est tout. Et puis on se rappelle aussi le dernier Planet Trap, j'en profite puisque tu évoquais Sniper où vous étiez tous retrouvés ensemble, c'est vrai que c'était Là, on est et je crois que vous avez joué aussi sur scène d'ailleurs, c'était on a fait Franco, on est parti en Suisse jouer. Ah, c'était en Suisse, on a fait un concert. Et on était surpris, hein, parce qu'il y avait des plus jeunes, on se disait ils vont pas connaître, tout ça, mais ils connaissaient parce qu'ils avaient écouté avec les grands frères et tout ça. Donc c'était cool et on n'avait fait même pas aucune répète et on est parti comme des vieux friscards. Ouais, les automatismes, on les a retrouvés direct et tout, c'était pas mal. Bon, il y a quand même un sniper dans le coin de la tête ou c'est pas. Après, on voit. Pas maintenant. Ouais, peut-être. Là, je m'occupe de Dualité, voir jusqu'à où on va l'emmener, voir ce qui va se passer, tout ça. Après, on est dans les coulisses, ça discute un petit peu, on verra s'il doit y avoir un show must go on ou pas. Bon, enfin, déjà au moins, c'est déjà se retrouver, discuter. Ouais, voilà, c'était ça le plus important déjà. Le plus important, je pense. Ouais. De se retrouver ensemble. Surtout qu'on est tous des papas maintenant, donc voilà. On devait ne plus faire les enfants vu qu'on en a. C'est bon, ça au moins c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Bon, le Planet Rap de Blacko de retour dans quelques minutes. Et puis on salue donc Charisma qui a signé cette prod. Voilà. Charisma le silencieux. Voilà, à l'instant. Charisma big up. Jeunesse talentueuse, bang. Du 7-8. Bon, si vous voulez des prods, n'hésitez pas, c'est le moment où jamais de demander à Charisma ce soir. Vous envoyez un petit message avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Voilà, c'est parti. Et pour les contrats, c'est avec Rise. J'ai vu sa tête. Allez-y. Non, c'est Doknes qui gère ces trucs-là. Ouais. Bon, bougez pas dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Le prochain qu'on voulait mettre, c'était. Qu'est-ce qu'on voulait mettre? Ouais, c'est Rêveur. Avec la prod de Will Star. Big up. Rêveur. Will Star, ça arrive sur Skyrock, bougez pas, c'est juste après. Stay connected. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Blacko. Planet Rap. Skyrock. Le Planet Rap avec Blacko, notre invité. Et l'album c'est Dualité, ça arrive le 6 novembre. On continue ce soir à découvrir, ce soir exceptionnellement pas de live. Petit repos dans la semaine. Voilà, petit repos et on reprendra demain. D'ailleurs, si vous voulez voir les lives depuis le début de semaine, notamment celui d'hier, terrible. Hein, c'était cool avec Izzy Kenenga, big up à lui. Voilà, merci à lui d'être venu, partager une petite vibe, c'était nice. Les vidéos sont sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com, sur le blog de l'émission évidemment. Et on avait dit donc juste avant la pub Rêveur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Avec Will Star à la prod. Will Star à la prod. Big up à lui. Et c'est ce qu'on écoute maintenant, c'est extrait du projet de Blacko qui sort le 6. Voilà. Ah ouais! Le 6 novembre, faut pas oublier l'album Dualité. Blacko vient chanter. Waouh! Let's go! Depuis mon enfant, je trouve la chance, il aux yeux. Je me disais qu'un jour je chanterai comme eux. Chanter pour l'esprit qui anime le soleil. Chanter pour rendre les gens heureux. M'envoler dans mes pensées. Laisser le ciel me porter. Sentiment de liberté. J'ai toujours été bercé par leurs mélodies. Oh, ils m'ont toujours fasciné quand j'étais petit. Hey, je disais, maman regarde l'oiseau s'envoler. J'aimerais t'en faire comme lui. Elle me répondait que cela était possible, mais que mes ailes seraient mon esprit. Oh yeah, hey, laisse-moi. J'aurais été sur ma planète. J'ai souri quand j'avais mal. Car j'avais toutes ces images en tête. Maman m'a appris à croire en mes rêves. Sur mes dessins petits, déjà lui montrer. Elle me regardait avec un sourire aux lèvres. Et je sais maintenant qu'elle me comprenait. Un homme sans rêve, c'est comme un arbre sans vie. Nuance, ne pas confondre rêve et envie. Laisse-moi encore voyager, juste en fermant les yeux. Mes images comme seul bagage, je n'ai rien trouvé de mieux. Aucune limite, aucune frontière. Oh non. Avec mon troisième œil, je peux voir la terre entière. Yeah. Oh, je laisserai toujours ces images me guider. Jusqu'à ce que mon âme décide de me quitter. Oui, elles me mèneront là où je serai heureux. Ces images me permettent de soigner ce qui m'est douloureux. Mais yeah. Laisse-moi y croire encore, laisse-moi rire. J'ai toujours été sur ma planète. J'ai souri quand j'avais mal. Car j'avais toutes ces images en tête. Dualité, le 6 novembre. Oh yeah, eh, eh. Oh yeah, eh. Objectif, un but dans la vie. Ouais, s'accrocher. J'ai toujours été sur. Tu connais. J'ai souri quand j'avais mal. Car j'avais toutes tes images en tête. Will stop. À l'instant. All right. Exclu le morceau extrait, Rêveur. Un des morceaux extraits de l'album Dualité Rêveur, voilà. À l'instant sur Skyrock. Voilà, voilà. Un petit souvenir précis sur ce morceau, quand vous l'avez enregistré celui-ci, ou l'écriture de ce morceau. Ouais, c'est fait, je fais souvent ça au studio même. Je laisse tourner la prod, j'écris le jour même où je vais poser. Ah, toi, t'es pas à écrire la maison ? Non, comme ça, c'est le son du jour en fait. Ouais. Parce que c'est. Des fois, quand tu penses le mot bleu, tu vas penser la mer un jeudi, le ciel vendredi. Donc il vaut mieux écrire sur l'instant, tu vois le truc. Voilà, comme ça, c'est le. C'est le menu du jour. Tu notes des petits trucs parfois ou t'enregistres des petits trucs quand t'as. Je fais des impros souvent, parce que quand je reçois la prod et que j'ai trouvé je m'oriente sur un thème, je fais des impros, plein d'impros. Et je garde un peu les meilleurs trucs qui m'ont mis bien moi-même, tu vois. Et après, je potasse mon truc et j'écris mon lyrics autour de tout ça. Mais t'es pas un moment à la maison en train de te dire putain, faut que je note un truc la voiture ou je sais pas. Non. C'est au studio, musique. Laisse-moi un peu de temps, j'écris et on enregistre ça après derrière. C'est comme ça que c'est comme ça qui a été fait donc l'album principalement. Ouais. Ça sort le 6 novembre. Dès qu'il entend un son, il part dans une mélo. Voilà, on trouve une bonne mélodie qui correspond bien au son et après. Vous avez fait beaucoup de morceaux d'ailleurs qui pour cet album, beaucoup de morceaux qui sont pas dessus forcément. Il y a eu. Ouais, il y a des trucs qu'on a laissé de côté. Hein. On a fait des tentatives parce que t'es toujours un peu. Tu vois quand t'écoutes ce qui se fait, tu te dis mais si on essayait quand même, on essaye quand même. Et finalement bien on fait du blacko et voilà. Donc on a gardé ce qui me ressemblait le plus. Et voilà. Et ce qui allait avec la tonalité de l'album. Voilà exactement, avec le thème Dualité, voilà. On va accueillir tout de suite à 20h30 sur Skyrock, c'est AMN, c'est ça AMN de Aulnay-sous-Bois. Allô. Allô ouais. C'est ça, c'est AMN. Ouais, AMN, ouais, c'est ça. AMN. AMN. Eh ben, bienvenue, AMN. AMN. AMN. AMN. AMN. C'était des chiffres et des lettres, là, le remix. Comment ça va? Oh, ça va, et vous? Bah écoute, ouais, bien, cool. Je te présente Blacko qui est là, R.I.S. aussi. Enchanté, AMN. Ça va ou quoi, Blacko? Yes, cool, et toi, frère? Tranquille, hein, ça t'écoute, on l'a, force à toi. Hein. Mais merci beaucoup, frère. Ça fait plaisir. Ah, ça t'écoute fort. Ah, bah c'est lourd, merci, frère. Et bah nous aussi, on va t'écouter fort maintenant. Voilà, fortement. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, on t'écoute. Ah, AMN. Ok, 9-3 skizo bleu 0. Tu préfères un vengeur ami qu'un vendeur faux pote. Le kill de deux pour se bouger des quelques neurones qui me restent. Mettre un droit à tous ces majorés, je débarque comme un putain de bulldozer. Pour démolir toutes ces merdes, on m'a dit ami, elle, la rune, t'as poussé à voir le mal partout. On traîne avec le sourire d'un mec qui n'a pas peur de la mort, de la pensée. J'ai pas de truc, t'as voulu me baiser, tu n'es pas sérieux. Du jour au lendemain, tu deviens fou des cités. Salope de sa culotte, c'est moi qui pilote, ta meuf t'a quitté parce que tu sais plus qui faire. Je te mettrai dans la marée douche d'un, regarde-moi faire, t'as voulu me remplacer. Prends sur mon dos, y'a que ça que tu sais faire, ma seule équipe, c'est ma peur de fouiller mon Glock. J'm'en bats les couilles, on vit tout un monde, pour les gens te mangent des douilles. J'viens du 9, pas, c'est là où tu mes ennemis, tu m'attaques mes ennemis, tu les sois, j'essaie de me rattraper, fais trop plus comme ça. C'est pas ça frérot, t'es perdu dans ce style, c'est plus l'époque, t'as le reste maintenant c'est l'époque, t'as fait que tire de tu sais, j'ai pas mes billets parfaits frérot, t'as les vrais défaites bien gonflés, mais face à mon 9 milli. Faire tes couilles la rue, je l'ai marié parce qu'il y a que elle qui me comprend, mais ton seul défaut c'est de ne pas garder nos secrets. Yo yo yo. AMN à l'instant en freestyle. Bobo. Merci à toi AMN. Big up. Carré. Et bon t'écoutes, petite dédicace, on peut te retrouver aussi sur le net quelque part. Non, mais sur le net avant je rappais, mais là j'ai arrêté en ce moment. Là j'ai réécrit ce texte là, normalement il est plus long, mais vas-y je vais le poser, je vais faire un petit clip avec bientôt. Donc voilà. Et bah force à toi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Big up AMN, big up. Et vas-y, je passe une petite dédicace à Nabil, Sofiane, au restaurant Lee Sushi. Et voilà quoi. C'est bien, tu vas être livré gratos ce soir. Tu vas manger au calme. A bientôt en tout cas, merci à toi. À bientôt. Pas, AMN. Salut, passe une bonne soirée sur Skyrock entre 20 et 21. C'est Blacko, notre invité. Yeah, yeah. L'album s'appelle Dualité, on continue à le découvrir. Ouais, allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Moi, je serai sur le titre Ma Reine. Ma Reine? Ouais. C'est un titre que j'ai écrit après la perte de ma maman. Mmh. Elle est partie en 2012. Et donc voilà, comme c'est, j'écris avec le cœur, ben j'étais, voilà, c'était pas une obligation, c'est un mot qui convient, qui va pas, c'était un devoir. Mmh. Voilà, donc j'ai écrit ça et voilà. Donc pour tous les gens concernés qui ont perdu un proche, et ben voilà, il faut écouter ça. Et ben on l'écoute maintenant, on le découvre sur Skyrock. Pour ma reine, un chant d'amour et de peine. Elle s'en est allée depuis, plus rien ne va, mon cœur saigne. Son absence me fait mal et la tristesse me tourmente. Je ne sais plus où j'en suis. Maman, tu me manques. Tu es partie si tôt, j'aurais tant aimé que tu vois tes petits-enfants grandir et rire autour de toi. Je leur parlerai d'une femme courageuse et exemplaire, afin que mes petites jeunes soient aussi fortes que leur grand-mère. Tu gardais le sourire malgré la maladie. Tu as rejoint les anges dans les jardins du paradis. Tu es restée forte pour nous préserver. Jusqu'à la fin, tu as voulu nous protéger. Puis tu es partie rejoindre le ciel. Notre amour est plus fort que la mort, il est éternel. Alors je suis sûr qu'on se reverra et que je pourrai encore te serrer dans mes bras. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème, ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es partie, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. Maman, je sais que tu es là près de moi. Tu es l'ange gardien qui veille sur moi. Mon être est déchiré depuis ton départ. Difficile, oui, dur de te dire au revoir. Je garde nos souvenirs au fond de mon cœur. Je ferai tout pour que tu sois fier, je te ferai honneur. Apprendrai à mes filles à être aussi forte que toi. Tu continues de vivre à travers elle, à travers moi. Je suis persuadé qu'un jour je te retrouverai. Si seulement juste un instant le ciel pouvait remonter le temps et que je redevienne enfant. Oui, juste une seconde auprès de toi maman. Tu es le plus joli souvenir que possède ma mémoire. Tu feras toujours partie de mon histoire. Tu seras avec moi où que j'aille, où que je sois. Petite maman, je pense à toi. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème, ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es partie, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. Ma reine est partie, elle a rejoint les cieux. Oui, le ciel a repris la prunelle de mes yeux. Mon cœur est malade et la pleure dans ses louanges. Ma reine s'en est allée, elle a rejoint les anges. Que ton âme repose en paix, maman, je te promets. Tu seras toujours la première dame de mon palais. Tu m'as donné la vie, tu t'es toujours battue pour moi. Je te remercie, j'ai tant de respect pour toi. Maman, tu me manques, je ne t'oublie pas. Tu sais, tu fais, feras toujours partie de ma vie. Maman, tu me manques, souvent je pense à toi. Ma jolie reine, tu es partie. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème, ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es partie, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas, maman. Wow! Yeah! À tous ceux qui ont perdu un proche. Yeah. Maman. Hey, maman. Alright. Voilà. Blacko à l'instant avec ma reine. Voilà. Morceau qui touche du monde, hein. Je vois les messages qui arrivent. Un regarde. Petit hommage. Blacko, voilà. Ma maman est partie en 92, j'avais 14 ans. Merci pour cette musique. Très beau morceau rempli d'émotions. Ton son me fout la chair de poule, c'est Kitam qui envoie ça. De la bombe, respect à Kron qui envoie ça, la voilà. Stéphanoise. Moi, ça, c'est. J'appelle ça mes disques d'or à moi, ça. Enfin, quand je reçois des messages comme ça, je suis content encore plus que qu'on me remet un disque d'or véritable. C'est vrai? Ouais, de voir que ça aide des gens et que voilà, des gens se retrouvent dans ce que t'écris. Tu vois, et que voilà, moi c'est ce qui me ravit le plus, quoi. Pour les messages, c'est le hashtag Blacko sur Skyrock, je suppose. Merci, merci. En plus, c'est pas un morceau qui est des plus simples à écrire, forcément, celui-ci, c'est. Ouais, mais c'est moi, j'ai. De toute façon, pour les gens qui suivent ce que j'écris, j'ai. Même les trucs qui me piquent dans ma vie, je suis obligé de les mettre sur papier. C'est ma thérapie, en vrai, ce truc-là, tu vois. Je me mets devant ma feuille et ce qui me fait mal, je le mets dessus. Après, je le chante. Et voilà, c'est comme ça que, et ça que va je mieux. Me soigne. Ça va mieux. Ouais, pas forcément, mais ouais, c'est comme ça. J'aime chanter ce que je ressens, quoi. 6 novembre, l'album, c'est à découvrir ce soir encore. Yeah, yeah. Entre 20h et 21h. Tiens, on va prendre quelques petits appels. On a un petit peu de temps ce soir. Il n'y a pas de live dans l'émission. C'est 06 71 74 84 15. Le standard. Donnez de la force à Blacko. Posez des questions sur cette ligne tout de suite. Ah, attendez. Ah, bon. 06 71 74 84 15. Le standard est ouvert. Et puis, le standard est ouvert. Et puis, un autre numéro, ça c'est par SMS 41 759. Inscription pour faire tourner la roulette et repartir avec des places pour YouTube. Je crois qu'on a quelqu'un. Allô. Ouais, c'est qui? Allô. Allô. Ouais. Tu m'entends? Ouais, comment tu t'appelles? Ouais, moi c'est Prisca Magdiou là. Yes, I am. Ben, big up à toi. Ouais, franchement, je voulais dire, sérieux, franchement, je te suis depuis des années, tu vois, même à l'époque, tu vois, des premières classes, machin. Yes, ça, ouais. Ouais, connaisseur. Petit bleu, tu vois, ça fait longtemps moi aussi que je fais du son, et franchement, respect pour ta réussite, pour ton engagement, pour tes messages, pour ce que tu fais, quoi, et d'avoir fait un putain de combat, tu vois. Ben, merci, frère. Merci. Et ça, c'est au moins un 10 de platine, ça. Hein ah, ça, c'est là, c'est un platine. Ça, c'est un 10 de platine, ce crochet. Je les accroche tous ici, la partie gauche, ici, là. Non, ça donne la force. Et en moi, la mise à petite vibe, bonjour. Vas-y, y'a pas de soucis. Est-ce que tu veux faire un featuring avec des petits rappeurs indépendants, des petits rappeurs. Faut envoyer ça. Il est d'où? T'es de quel coin? Moi, je suis du côté vers Cahors. Ok. Mais il faut envoyer ça sur, tu vois, on voit sur blacko.pro@gmail.com pour me faire écouter des trucs et tout. Il faut envoyer ça ici. Donc, blacko.pro@gmail.com. Ouais, y'a pas de soucis, ça enregistre. Franchement, je te remercie. Et bon courage pour ton nouveau skill, franchement. Merci à toi, frère. Merci à toi. Allez, vas-y, vas-y. Big up. Yes, bonne soirée à toi. Big up, big up, frère. Ah, c'était un beau 10 de platine, celui-ci. Hein, moi, c'est ce genre de truc, voilà. 06 71 74 84 15. On se met. Attends, bah oui, on peut se mettre. Tout de suite là, maintenant, tout de suite. Ou alors tu veux prendre encore quelqu'un s'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler pour joindre Blacko. Pour refiler peut-être un autre disque d'or à Blacko. Ah ouais. 06 71 74 84 15. Et bah, on écoute un morceau et puis on prendra quelqu'un d'autre. Allez, Drico, ça va là. SOS, on l'a mis hier. Ce morceau. On se le remet pour ceux qui ont raté. Ouais, pour ceux qui ont raté. Rattrapage tout de suite. SOS. Yeah. Yeah, yeah. Dualité le 6 novembre. A conscious thing. Wow. Wow. L'humanité perd sa moralité. Ferme les yeux une seconde et laisse tes sens te parler. Oui, nous vivons sur une bombe que nous avons nous-mêmes amorcée. Oh non, que Dieu ait pitié de nos âmes. Prions pour que ça change avant que le ciel ne se venge. Et entendez-vous pas la du soleil. Ah ouais. Nous n'aurons pas droit à une seconde chance. Non. Le monde est malade et on le regarde mourir. Je lance un SOS, qu'attendons-nous pour réagir? Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Yeah. Je garde espoir, j'ai envie d'y croire. Et toi? Je m'inquiète pour les générations futures, car tout tous des natures. J'ai bien peur que tout ça ne soit qu'un leurre. Certains écoutent plus la télé que leur propre cœur. Le monde va de mal en pire. Les arbres tombent les uns après les autres et le diable est dans son empire. Nous sommes le cancer de cette planète, dirigé par des politiciens malhonnêtes. Et ne sentez-vous pas que le monde va mal? Oh yeah, le monde tourne à l'envers. Nous prenons le chemin pour l'enfer. Non. Allons-nous regarder mourir notre mère? Allez. Voilà, à l'instant, SOS. Le SOS lancé par Blacko. Voilà. Exactement. Sur Skyrock. Toujours, pour ceux qui connaissent, c'est des continuités. Là. Tu vois, si la paix pouvait t'embrasser ce monde juste un jour, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite, c'est la suite logique. Je lâche pas mon créneau, je lâche pas mon truc. Continue la bataille. Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi, Rise? Moi, je dis surtout dans ces moments de crise là, tu vois. Ouais. Un petit appel d'SOS, c'est jamais très mauvais. C'est vrai qu'en plus, après, je pense qu'il y a aussi un phénomène qui est assez flippant parce que. Ce matin, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé la télé, les chaînes d'infos, mais c'est ultra hardcore en fait. Mais c'est hardcore. Parce que entre les titres super violents, genre émeute, politique ou climatique, et c'est se passe des choses sur cette planète. Donc tu dis parfois c'est aussi l'angoisse qui t'est envoyée quoi par des trucs quoi, parce que quelque part, alors bien sûr, on va pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ouais. Mais grosso modo, on arrive quand même à se croiser, à vivre des moments ensemble, tu vois. Ouais. L'exemple, la musique, c'est des moments ensemble. Heureusement, il nous reste ce genre de choses, parce que sinon, ça serait. Ça serait que le boulot dodo et manger ce que la télé nous donne. On serait déglingué, donc c'est heureusement qu'il reste. Voilà. Tu regardes beaucoup la télé justement, Blaco, ou pas? Ouais, mais pas forcément. Par exemple, les chaînes infos. Les chaînes infos, ouais, mais pas. Je vais aller regarder celles des autres pays en fait. Ah oui, parce que tu t'en prends plein d'autres, ouais. Et parce qu'ils racontent des choses qu'en France, si t'allumes ta télé à 13h, on te parle de la mimolette au goût de. À la noix, à la célèbre noix, tu vois. Ou de la bergamote, un petit jeu qui va bientôt disparaître. Tu vois, c'est donc voilà. Ça, c'est pas des informations, c'est. Bah non, c'est de la conso quoi. C'est de la consommation. Moi, je vais chercher et tout. Et quand tu fouines un petit peu, tu vois que ce monde il tourne plus très rond quoi. Et c'est nous-mêmes les investigateurs de tout ça, tu vois. Donc voilà pourquoi un morceau comme SOS pour moi quoi. Voilà. Le morceau. Mais c'est ça, on est chaud de toute façon. On va peut-être en mettre encore un autre. Allez, on en met un petit dernier. Ouais. Alors celui-là, il s'appelle. C'est Rares sont les vrais amis. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. C'est un album en même temps. Ça c'est. Non mais j'aime bien. J'aime bien te questionner. Est-ce que tu es bien sûr du titre? Ouais. Je suis il changera pas d'ici le 6 novembre. Parce que c'est vrai que des fois on les appelle comme ça. Oui, parce que il y a des morceaux d'albums. Il y a eu des noms, des noms de codes. Ouais, voilà, il y a eu des noms de codes, des codex. Et donc voilà, ce morceau-là, c'est justement comme on a parlé tout à l'heure, quand j'ai vécu mon désert, mon creux de la vague là, et que après ça recommence, ton téléphone il ressonne, pas comme par magie, avec des ouais, tu te rappelles que c'était il y a très longtemps, on se connaissait en 97. C'est comme ça maintenant, c'est comme ça. Et donc le morceau il va parler quoi. Et bon, on l'écoute, voilà. On parle aussi juste dédicace après. Dédicace à vous les mecs. Et puis la roulette qui tourne, inscription 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Voilà. Ouh. Big up à Jazzy Fizou sur la route. Jazzy Fizou, big up. Bang, ça l'on a. Ah ouais. Et bang, si tu te reconnais dans le morceau, ben c'est pour toi. Ah oui, oui, oui, oui, let's go. Rares sont les vrais amis. Bien dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. La confiance aveugle, c'est bon, j'ai assez donné. Ah mais oui. Vas-y pour ton fait ta vie. Allez, trace. Trace ta route, viens pas me parasiter. Sweet. A voir ailleurs si j'y suis, moi y'a rien à gratter. C'est un peu chacun pour sa gueule. Dans les moments difficiles, on se retrouve bien souvent seul. Rares sont les vrais amis sur lesquels on peut compter. Rares sont ceux qui ne te laisseront jamais tomber. Entre ceux qui gravitent juste par intérêt et ceux qui vont mal parler quand tu auras le dos tourné. Difficile de faire le prix, mais au final le temps le fait. Je croyais en l'amitié, mais la vicieuse m'a tant bluffé. Rares sont les vrais amis. Viens dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. C'est bon, j'ai assez donné. Vas-y pour t'offrir ta vie. Trace ta route, viens pas me parasiter. A voir ailleurs si j'y suis ou ailleurs, rien à gratter. Des sourires au cœur. Ah, poteau, méfie-toi. Toi, des masques qui t'empêcheront de voir. Ah. Les vrais que les vrais amis se comptent sur les doigts. Le pouce ou le majeur, dis-moi qui marche avec toi. J'ai croisé de l'eau, pas mal de morpions. J'ai croisé des serpents, écrasé des scorpions. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Avec le temps, crois-moi, j'ai appris à sélectionner. J'ai dû filtrer. Allez, le tri. Oui. Vers les yeux, maman, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'une meute, juste ma poignée d'amis. Dans la vie, beaucoup de connaissances. Mais que connaissent vraiment ta vie? Oui, oui, oui. Rares sont les vrais amis. Bien dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. La confiance aveugle, c'est bon, j'ai assez donné. Vas-y pour ton fric, ta vie. Allez, en haut. Ta route, viens pas me parasiter. Si j'y suis, moi y'a rien à gratter. Nana, niet, wanou. Méfie-toi des sourires au cœur noir. Méfie-toi des masques qui t'empêcheront de voir. Il est vrai que les vrais amis se comptent sur les doigts. Le pouce ou le majeur, dis-moi qui marche avec toi. Rares sont les vrais amis. Viens dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. La confiance aveugle, c'est bon, j'ai assez donné. Vas-y pour ton fait ta vie. Trace ta route, viens pas me parasiter. A voir ailleurs si j'y suis, ouais, y'a rien à gratter. Ouais. Oh yeah. Question d'amitié. des vrais amis, garde-les bien. Laisse pas rentrer des hyènes et tout ça dans ton troupeau. Waouh. Bah écoute, le message est passé en tout cas. Voilà, c'est ça. Du vécu aussi. Toujours. En même temps, ça permet de faire un tri, écoute. Voilà, c'est une manière dansante d'envoyer certains trucs se faire. Voilà. Ça permet de faire un tri parfois dans la vie. Il faut petit coup de balai, un nettoyage hivernal. C'est des choses qui arrivent. Voilà. C'est vrai que c'est dur aussi parfois certaines déceptions. Je pense que. Ouais, on a tous connu ça aussi. Voilà, des vraies déceptions, quoi. Des gens. Ouais, tu dis merde. Voilà. Ça fait tomber de haut, mais bon. Le but, c'est de se relever et continuer à avancer, quoi, c'est ça? Blacko avec nous, Dualité Tour. Oh, tiens, prends-toi un petit disque d'or avant de conclure ce Planète Rap. Si c'est un disque d'or, c'est mieux un disque d'or qu'un sapin. Hein. 06 71 74 95, c'est la soirée avec Blacko. Bonsoir, c'est quoi ton prénom? C'est Saïd. Salut Saïd. Cool, en forme? Salut Blacko, ça va? Ouais, cool, et toi? Ouais, bien. Je voulais juste te dire un truc, c'est que. Par rapport à ton album Enfant du Soleil, ouais. qui a pas pu fonctionner comme t'aurais voulu. Ouais, ouais. Mais il a fonctionné comme j'aurais voulu quand même. Après, pas médiatiquement, mais il a voyagé, ce petit oiseau. Bon, il a donné un message particulier quand même que j'ai apprécié. Mais merci. Je tenais à te le dire parce que c'est une grande réussite, pas commerciale, mais réussite morale, on va dire. Disque de platine, c'est vrai. Ah, ça, c'est un diamant. Ça. C'est diamant, là. Ça, c'est diamant. Ah, ouais, lourd. Ouais, non, en tout cas, j'avais kiffé. Et puis, je connais presque, la moitié de l'album. Je connais un peu les chansons, les refrains, les machins. Ouais. Et en tout cas, j'ai kiffé, voilà. Ah, ben merci, ça fait plaisir. Et pour les amateurs de reggae, faut rester connectés. Ça va arriver aussi. Il y a du reggae qui va se remettre en route aussi. Je suis même pas branché reggae, tu vois. C'est le seul reggae man que j'ai écouté. Là, ça vaut. Là, c'est très lourd ce soir. Je vais bien dormir. Là, ça fait plaisir, frère. Ouais, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de te parler et de dire ce que je pense. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Alors, merci à toi, frère. Je vous dis merci, quoi. Merci, mais non, c'est merci à toi. Il nous appelle d'où? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit accent. Ouais, t'appelles de quel endroit? Allô? Ah, il veut pas être repéré, il a raccroché. Allô, non, non, il a. T'appelles d'où, en fait? T'appelles d'où, en fait? De Fontainebleau. Fontainebleau, oui, c'est l'accent de Fontainebleau. Ah ouais, c'est ça se reconnaît. C'est l'accent de Fontainebleau. C'est par là-bas. Comment ça fait les gens qui vivent à Fontainebleau? Fontainebloisiens. Bon, ouais, il y a pas trop de bazar par ici, mais. Ouais, c'est cool en tout cas. Bon, en tout cas, on te remercie pour d'avoir appelé. Ça fait plaisir. C'est cool, moi ça me fait plaisir aussi. Puis bonne continuation, d'accord? Merci à toi. Allez, frère. Merci à toi, frère. À bientôt. Salut, bonne soirée à toi. C'était un beau disque, de platine pour conclure pratiquement ce Planète Rap. Et ça fait bien plaisir. Comme tu faisais le malin sur les habitants de Fontainebleau, je veux quand même avoir ma réponse. C'est toi, t'as lancé le truc. Mais c'est toi. Je me demandais comment on les appelle. Les Fontainebleautins. Les Fontainebleautins, Bloisiens. Je sais pas. Attends, on va regarder tout de suite. On va se faire insulter. Les Fontainebleautins. Framboisiers. Les Fontainebleautins. Les Fontainebleautins. Mais je pensais que tu savais en plus. Attends, tu me regardes. C'est le quiz. Attends, hop. Fontaine allez, les Fontainebleau. Les Fontainebloyers. Flogontégen. Bon, alors c'est où habitants de Fontainebleau? Voilà, comment les Fontainiers. Ah, les Bellifontains, me dit-on dans l'oreillette. Heureusement qu'il y a une oreillette. Moi, ça marchait pas. Jamais trouvé de notre vie. Les Bellifontains. Fontain. Les. Bellifontain et Bellifontaine. Oh. Okay. Pour les filles, là-bas, c'est très joli, les Bellifontaine. Tu es une Bellifontaine. Très bien. J'en ai connu quelques-unes aussi. Parapluie. Tout ça, c'était des filles de Fontainebleau. En fait. Ouais, c'est des filles qui venaient de Fontainebleau, les Bellifontaine. Ah, c'est bon, très bien. Merci en tout cas à vous pour cette belle soirée. Merci à toi, Fred. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette et on va retrouver des foules dans un instant. C'est bon, oui. Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Allô, Stéphanie de Villeneuve-d'Ascq, comment ça va? Allô, salut Fred. Salut Stéphanie, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Tu habites à Villeneuve-d'Ascq, les habitants, on les appelle les... Villeneuvois. Les Villeneuvoises. Villeneuvois. Voilà, très simple. On apprend beaucoup de choses en Planète Rap, je pensais c'est pas qu'on allait apprendre tellement de choses. Eh oui. Bon, bienvenue, je te présente Blacko, Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Eh bien, enchantée Blacko, je suis vraiment très très heureuse de t'avoir. Merci, c'est cool. Je t'adore, je suis très très depuis très longtemps. Et puis là, le son que tu viens de sortir là, avec en parlant de ta maman, ça m'a fait très très. Marraine. Eh ben merci. Ah ouais, très plaisir parce que j'ai perdu mon papa et ça m'a fait un peu penser à mon père également. Ben voilà, ben ce morceau, ouais. il est fait pour ça. Mais il s'appelle Marraine, mais c'est pour ton roi aussi, c'est pareil. C'est pour mon roi, oui. Ça fonctionne pour les rois, les princes, les princesses. Voilà. Oui. Allez Stéphanie, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette. Allez, c'est parti. Et lancé. Alors celui-là. Wow. Ah, tu l'entends le stop, hein? Celui-là, il est bien parti celui-là. Ah. Stéphanie? Oui? Eh ben écoute, Stéphanie, c'est Youssoupha. Youssoupha en concert? En concert du côté de Lille, je pense que ça va être plus simple pour toi, non? Bah oui, écoute. Et bah voilà, deux places. Lille avec les fringues, what the fuck. Super, bah avec le petit débardeur, casquette, c'est pour toi. C'est mignon. C'est génial. Et bah merci beaucoup. Merci Skyrock, merci Fred, merci Blacko. Je te fais un gros bisou, Blacko. Et bisous, puis, bisous, Stéphanie. Voilà, j'ai hâte de te retrouver en concert, en tout cas. Alright, bon, on se retrouve bientôt alors. Sur la route. Ok, ciao ciao, bisous. Merci, bonne soirée. Bisous, ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, merci à vous tous. Merci Blacko, demain de merci retour. Merci à toi, Fred. Ouais, on sera là. Yes. Merci à Airize. Yes, big up. Merci à Charisma qui était là aussi avec nous. Le qui était très discret. Ouais. Mais c'est un homme de l'ombre, c'est quelqu'un qui œuvre pour faire des sons. Voilà. Qui est là avec nous ce soir aussi entre 20 et 21. C'est ces sons qui font du bruit. Exactement. C'est, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est des slogans. Gros big up à Dokness, à la baraque. Dokness, big up, Jazzy, big up. Cantis Gang. Merci à vous, rencard demain. On va retrouver D-Fool maintenant. Big up à Paris. Fredo, El Farid. Wow. Ouais, Fredo. Ah, par téléphone, D-Fool. Tu es au match. Que se passe-t-il? Tu es dans l'enceinte. Tu es dans l'enceinte du Parc des Princes? Non, même pas. Par le PSG Real. Ah ouais, bah c'est en même temps c'est le bordel aujourd'hui, ouais, pour circuler. Oui. Ah ouais. Eh oui, mais le match démarre dans, enfin le match a démarré. Combien pour l'instant? 0-0. 0-0. 0-0. Et le match en match ce soir. Ah, je surveille, moi. Samy, supporte Paris maintenant, ça fait plaisir. Hein. Check, qu'est-ce que tu dis, toi? On fait gérer à la suivre ce soir, entre autres. Et puis vous tous en direct, allez-y, on arrive hein, dans 2 minutes là. 01-53-40-30-20. Allez-y, profitez. Eh bah, ben, bon courage. Merci Fredo. Je n'entends pas que ça n'avance pas beaucoup. On profite de plein être pour moi tous les soirs entre. Oui, tu as vu, on a appris plein de choses en plus. On a appris plein de choses ce soir. Hein. J'ai entendu, on a écouté ça toute la soirée. On sera là demain à partir de 20h, 21h. Ciao, ciao. Merci Blacko. Hein. Yes, big up du fou. Merci de nous accompagner dans les bouchons tous les soirs. Ah, mais de rien. Ça permet d'apaiser. On est là dans 2 minutes, vous pouvez nous appeler. À tout de suite. Non, je disais, c'est la zénitude dans les bouchons. Il faut mettre l'album de Blacko, c'est fou. Comme ça, ah ouais, faut mettre ça bien détend. Surtout dans ce climat parisien. Là. Exactement. Bon, allez, c'est parti. 01-53-40-30-20, je vous l'ai dit, vous nous appelez. Si vous voulez passer dans l'émission, on est faire des cons avec nous. Si vous avez un conseil à demander, allez-y. Attention, il y a un monsieur Footingman qu'on va écraser là. Hop là, c'est bon. Et. Oui, avec un très beau maillot Maurice. Man. Je ne sais pas d'où ça vient, mais elle est très jolie. Bon, allez, c'est parti. Radio Libre, on est là. Et jusqu'à minuit sur Skyrock. À demain 20h. Ciao, ciao. Salut Blacko. Ciao. Salut. C'est nouveau. C'est dans le morning.